Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le thème de mon podcast, donc ma première épisode, sera l'évolution du personnage d'Amy dans The Big Bang Theory. Donc, des débuts du personnage jusqu'à donc la saison 10 qui est en cours actuellement. Je vais peut-être commencer par me présenter en fait. Donc, j'ai un surnom un peu bizarre. Enfin, j'ai pris un pseudonyme qui vient d'un de mes personnages de jeux vidéo, donc Namanamanine. Le concept, c'est que. Certes, mon pseudo n'est pas clair, mais j'espère que mes propos le seront. Donc, pourquoi là ce soir ce sujet en particulier, c'est que donc dans un premier temps, The Big Bang Theory, c'est une série que je regarde énormément. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. En fait, ça fait partie des séries que en général, quand j'ai besoin d'un bruit de fond ou de m'occuper les yeux ou les oreilles un petit peu, c'est toujours la série que je mets en général, parce que voilà, il y a les rires enregistrés, le côté soap opéra, le côté soap tout court. Et de savoir aussi, je pense, qu'on n'est pas trop dedans, les rires enregistrés, ça permet de se rappeler, fait, ah tiens, il y avait un truc intéressant. Mais après, voilà, je suis quand même relativement fan de la série, sinon je ne regarderais pas. C'est aussi pratique le fait qu'il y ait maintenant beaucoup d'épisodes, ça fait quand même. Plus de 9 ans que la série tourne, si je ne m'abuse. Voilà, bon, s'ils sont à la saison 10, c'est ça, 10 ans. 10 ans, c'est quand même une belle longévité pour un pitch qui, à la base, n'était pas forcément original. Soit, bon, à part le fait que ça traitait de geek, mais que ça en parlait mal. Parce que bon, il y a énormément de références. Voilà, si vous touchez un tant soit peu aux jeux vidéo ou à ce genre de choses, il y a quand même des épisodes entiers où c'est plus basé sur les stéréotypes qu'on a du geek gamer inadapté social que de la réalité de la chose. Ça fait partie des ressorts comiques, ça fonctionne, c'est pas un mal en soi. Maintenant, voilà, le personnage d'Amy en lui-même, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup parce elle est complètement en retrait par rapport aux deux autres personnages féminins principaux. Donc Penny, la blonde. Bon, bien qu'elle vienne du Nebraska, c'est quand même la typologie de ce qu'on se fait de l'image de la blonde californienne qui vient pour devenir actrice, très sexy, très mince, blonde, les cheveux longs, puis courts, puis relongs. D'ailleurs, sans spoiler, il y a un petit clin d'œil là-dessus dans l'un des derniers épisodes qui sont sortis là, pour la saison 10. Mais voilà, ça reste quelqu'un qui s'est construit au fur et à mesure de la série, mais qui n'en est pas moins un personnage qui, pendant 3-4 saisons, était pas creux, mais qui se cherchait. Il y avait des ressorts intéressants dans certains épisodes, des éclairs, comment je peux dire, des éclairs de personnalité soudain. Mais voilà, c'est vrai que les premiers épisodes, en fait, elle avait rien de différent de cet autre épisode où il y a une deuxième femme qui vient emménager au-dessus de chez Sheldon et Leonard, et qui finalement est cette espèce de miroir de ce qu'était Penny au début. Et là, on prend conscience qu'il y a une... Ah, je pense que c'est à ce moment-là que les auteurs ont affirmé qu'ils voulaient se faire table rase de ça et faire vraiment évoluer le personnage dans quelque chose de plus constant. Après, dans le reste, on a aussi donc Bernadette, qui, voilà, bon, 1m40, ça reste quand même un modèle de féminité, Bernadette. Elle a toujours ses petites robes, là, presque années 50, avec la poitrine monstrueuse, une petite poupée là qu'on a envie de mettre dans sa poche. Bon, il y a son caractère qui contrebalance, vu qu'elle prend typiquement la place de la mère juive d'Howard. Et vu qu'il n'y a que ça qui fonctionne avec ce personnage-là. Enfin, voilà, encore une fois, moi je trouve ça rigolo hein, sur ce truc. Il y a toujours des ressorts comiques qui sont un peu éclusés, un peu abusés, mais bon. C'est fait pas partie des séries qu'on regarde pour réfléchir profondément. Mais bon, je vais pas trop m'approfondir là-dessus parce que sinon, dans tous les cas, ça justifie pas que j'en parle. Ça, c'est pas intéressant, pourquoi tu réfléchis? Ah, voilà. Et donc, Annie, moi, ce qui m'intéressait vraiment avec elle, c'est que, bah, outre le fait que ce soit vraiment construit, donc cette espèce de Sheldon au féminin qui arrive dans les premiers épisodes comme un désastre à l'écran, enfin, on se dit, mon Dieu, mais voilà, on voit déjà tout le ressort comique qui sera donc de gérer ces deux personnages à la fois. Maintenant, voilà, il y a aussi cette construction qui a été faite en sorte qui... Comment expliquer ça? Les auteurs ont vraiment fait en sorte de la faire évoluer rapidement, mais de façon cohérente, en fait, vraiment dans la sur 3-4 saisons déjà, et donc entre la 6 et la 6 et la 8, si je ne m'abuse, ça s'est vraiment construit, là, quand elle a vraiment commencé à s'affirmer en tant que, pas seulement, pas en tant que femme, parce que bon, elle n'a pas changé de look, elle n'a pas, machin, c'est Amy est une femme. Là, elle a tout ce qu'il faut pour l'être, elle n'a aucun besoin de changer d'apparence pour que tout le monde s'en rende compte. C'est établi comme ça, c'est sa personnalité, et ça, je trouve ça très bien d'ailleurs, on joue pas cette espèce de teen movie à la stupide où soudain la fille enlève ses lunettes et en fait on se rend compte que depuis le début mais c'était une bombasse extraordinaire et oh, ça y est tu es une fille tu as les cheveux longs avec des boucles. Non, non, il n'y a pas besoin de ça. Amy est comme elle est, elle n'a pas le physique de Bernadette ou de Penny mais elle cherche pas à changer dans son sens. Je pense que les seuls épisodes où il y a un petit clin d'œil en sens là, finalement, ça va du mignon au carrément ridicule, en fait. Voilà, elle est comme elle est, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu un moment donné, je pense, je sais pas si est-ce que c'est moi qui suis devenue plus dure avec ça, à force de regarder, re-regarder les épisodes. Mais là, sur les dernières saisons, alors je vais pas donner trop de détails, histoire d'éviter le spoil, si jamais il y a des gens qui les ont pas encore vus, mais sur les 2 dernières saisons, la 9 et la 10, mais je l'ai trouvé, mais il y a des moments mais insupportables, pas insupportables dans le sens où on faisait trop, mais justement parce qu'elle faisait plus rien, elle faisait plus rien, il y a le son sa présence sarcastique qui a été effacée au profit d'un Sheldon qui commence à s'ouvrir un peu plus au monde, elle est beaucoup plus dans la passivité, au final c'est les rares éclats qu'elle a, c'est sur des moments bien précis où je pense que dans tous les cas c'est d'un point de vue purement humain, si elle n'avait pas réagi, le personnage devenait l'équivalent de la narratrice de Stupeur et Tremblement, c'est-à-dire on finissait par la retrouver dans un coin, peut-être dormir sous un canapé en attendant que Sheldon veuille bien d'elle. Et c'est affreux, enfin c'est affreux, ils sont pas dans une, ils sont absolument pas dans une relation abusive, mais et c'est une bonne chose, enfin, ils sont quand même assez ouvert sur pas mal de points dans la série, même s'il y en a d'autres où voilà, on va pas parler des blagues racistes qui voilà, ils font le jeu du truc. Je veux dire, quand Howard il dit une saloperie, tout le monde qui lui fait remarquer, mec, tu dis pas ça. Maintenant, le personnage de Raj en soi, enfin, énormément de trucs où je me dis pourquoi c'est pas. Il y a eu un moment, un développement où il partait sur un caractère peut-être un peu plus. On se serait attendu à ce qu'il sorte avec un homme. Maintenant, voilà, ça aurait peut-être pu être intéressant avec le côté culturel ou quoi, c'est un choix des auteurs de l'avoir pas fait, non. Maintenant, le fait qu'il soit toujours en retrait, plus le combiné avec le fait que ce soit l'Indien de service, plus combiné avec le fait qu'il n'arrive pas à se fixer, ça fait l'éternel célibataire. En fait, c'est ce que je trouve ça dommage, ça fait plein de ressorts comiques dans un seul personnage. Et à mon sens, c'est exactement la même chose qui se passe avec Amy, c'est-à-dire qu'on cumule le fait que. On peut même plus cumuler les faits parce que maintenant c'est plus Miroir de Sheldon. Enfin, c'est construit qu'une identité propre, a priori. Je veux dire, elle vit sa vie, elle exprime ses besoins de femme. C'est elle qui a fait le moteur de leur relation à tous les deux pendant tout le temps de la série, en fait. Parce que le reste, on sait pas. Voilà, à part peut-être les interventions de Léonard, enfin du reste du groupe envers Sheldon pour lui dire bon, là peut-être faudrait qu'il fasse quelque chose. En soi, c'est dramatique. Je veux dire qu'on voit que dans la fin de l'épisode 9, il continue à la considérer comme une quantité négligeable et à faire intervenir un de leurs amis communs pour lui rendre des services que lui n'a pas envie de lui rendre parce que ça l'arrange pas. Et attention, hein, quand j'ai dit pas de détails, no spoils, pas de détails, no spoils. J'ai horreur comme le fasse, donc j'essaye d'être. Consistant. Maintenant, voilà, si vous avez vu la série, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler vers la fin de l'épisode 9. Elle pousse une gueulante et il s'excuse à moitié. Enfin, faut lui rappeler encore une fois, une éternelle fois, que non, ça se fait pas avec les gens. Voilà, ça commence à être mais tellement éclusé. Enfin, j'avais eu un espoir quand en fait elle avait rompu avec lui. Voilà, parce que no spoils, mais au bout d'un moment, faut regarder. Je peux pas faire autrement. quand elle l'avait quitté, voilà, je m'étais dit, bon, là, il y a un petit moteur, voilà, on voit Sheldon avec cette bague, on se dit, mais ben là, il va y avoir un rebondissement, là, Sheldon, il va prendre des initiatives, il va se lancer dans le truc et tout, Et non. En fait, je trouve que le plus choquant pour ça, donc c'est. Enfin, ce que moi j'avais relevé qui m'avait fait le plus drôle, c'était donc cet épisode où il y a le père de Bernadette donc la mère de Ward est toujours vivante. Alors je saurais plus vous dire le nom de la saison, le numéro de la saison, pardon, ni le nouveau épisode, c'est simplement c'est pour Thanksgiving, il me semble. Et donc la mère de Ward est toujours vivante et le père de Bernadette vient manger avec eux. Ils font donc un grand repas avec tous les amis dans la maison de la mère de Ward. Donc il y a ce moment de ce rapprochement entre Sheldon et le père de Bernadette qui font que bon bah ils éclusent les bières, ils sont bourrés à un moment donné, donc ils font une connerie. Amy intervient pour demander à Sheldon de se calmer et donc il accepte et machin, et donc ressort comique Sheldon bourré, macho texan qui reprend le dessus, hop, il lui fout une claque au cul, hop, un petit passage machin. Là, le ressort comique, enfin là, c'était drôle, enfin c'était justifié cette réaction un peu de femme timide, c'est la première fois qu'il l'a touchée. Enfin, ils étaient encore à ce côté là du contact physique inenvisageable. Mon Dieu, il lui a touché la main, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le média est tombé main au cul. Forcément, il réagit un peu comme une écolière. Bon, c'est rigolo, ça fait partie du truc. Maintenant qu'elle continue à faire des trucs comme ça, alors que ça y est, ils sont revenus ensemble, il y a plein de trucs qui sont passés. Où je pense qu'on a un peu dépassé le statut de la main qui rencontre le derrière. Enfin, c'est normalement, au bout d'un moment, on arrête d'être ému face à ce genre de choses. Mais là, c'est peut-être moi qui extrapole. Et voilà, simplement, c'est une déception pour moi. Donc là, il y a une transition un peu chaotique qui s'est faite entre les deux statues, donc du caractère Sheldon, je peux dire sheldonien tipite à la. C'est pas encore une cruche, voilà, je peux pas dire ça non plus. Elle a toujours son petit caractère, mais c'est tellement caché et enfoui sous sa nouvelle passivité là que je. Voilà, on en arrive à un point où. Donc Bernadette, elle est toujours extrêmement protective, mais Raj a plus de présence dans la série, enfin, qu'elle. Et pourtant, Raj, il est complètement passé en personnage secondaire. Enfin, on s'occupe très peu maintenant de. On a des séries d'épisodes entières où finalement, c'est un. Pareil, il participe aux vannes d'autres personnages, mais il n'en inculque plus vraiment. Enfin, il y a tout ce pan narratif-là qui est un petit peu mis de côté en ce moment. Et Amy, bah. Typiquement, elle est oubliée. Elle est oubliée. Ça s'est vu dans la construction de son personnage, ça se voit dans simplement ses apparitions à l'écran et le peu de lignes qu'elle a. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a une volonté de l'actrice de suivre le truc? Est-ce que les auteurs planifient quelque chose d'autre derrière? Parce que jusqu'à présent, ils sont bons, les mecs, ils tiennent le rythme sur 10 saisons. Ça fait 10 ans à écrire. Donc, je pense que les équipes ont peut-être un petit peu changé, mais pas tant que ça non plus. Voilà, simplement, ça, c'est mon petit avis sur la question. Donc, n'hésitez pas à réagir. Voilà, si vous avez une opinion différente de la chose, ou simplement si vous êtes d'accord, si vous m'avez écouté, parce que voilà, j'aimerais bien avoir des avis sur la chose. Et voilà, bah, merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour m'écouter. La prochaine fois, donc, j'essaierai de faire un petit pitch sur une autre série que j'aime beaucoup en termes de personnages féminins, c'est iZombie. Et voilà, bah j'espère qu'il y aura quelques personnes pour m'écouter parce que j'aimerais bien, ça me plairait d'avoir des réactions là-dessus. Merci beaucoup et bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez et à la prochaine fois. Au revoir.